Ça va Thierry? Ça va, ça va. Bon, Thierry, tous les matins, on file la possibilité à des auditeurs d'être réveillés ou de faire réveiller des gens qu'ils aiment bien ou qu'ils n'aiment pas par éventuellement des gens de l'équipe. Tu as choisi que Dick et Robert. Bonjour les gars, d'abord installez-vous. Ouais, ça va, Dick, ça va, Robert. Ça va les gars, en forme. Salut. Alors je présente Thierry, Dick, Robert. Ouais, Thierry, on est au sol du lit là. Encore un goal du matin là. Thierry voudrait que vous réveilliez sa grand-mère. Y'a pas de soucis. Je suis en demi-molle là. Non, mais... Par contre. Ouais. Faut y aller un petit peu soft au début. Parce oh non, mon vieux, attends, ça va. Ah c'est toi qui as choisi. Elle s'appelle Lucienne. Ouais. Lucienne, j'ai d'accord. Attention. T'inquiète. Vous réveillez Lucienne, vous avez une minute. Ouais. Chaud, chaud. Dites bien que c'est de la part de Thierry. Dites c'est Thierry qui nous envoie. Ouais, ça, c'est réglé. Allô. Oui. Lucienne. Oui. Ouais, c'est Thierry qui nous envoie. Oui, salut, c'est Dick et Robert à l'appareil. Enchanté. Ça va, t'es bien là, tu te réveilles là? Yes. C'est Dicky Robert à l'appareil. Robert, je connais pas de Robert hein. C'est Dicky Robert quoi. Ah tu connais forcément Robert, hein, t'en as deux. C'est pas François. Et Lucienne. C'est pas François. Non, c'est Dicky Robert. C'est Dicky Robert. On appelle de la part de Thierry. La part de Thierry. Ouais, ton petit-fils là, ton petit fillon là. Thierry. Bah ouais, Thierry, mais non, j'ai pas Thierry hein. Vous téléphonez pas de la part de Thierry est au boulot, hein. Ouais, bah justement. C'est lui qui m'a demandé d'appeler. Lucienne. Pour réveiller Lucienne. Bon, arrêtez, je crois que... C'est François, hein. C'est Thierry. Mais non, c'est pas Thierry. Mais non, c'est pas Thierry. C'est moi. Oh, c'est mon joueur. Bon, je passe à la radio, là. Oh. Hein. Je passe à la radio. Dis bonjour à ta mamie. Comment tu l'appelles? Tu l'appelles Mamie Lucienne? Mamie Lucienne. Où c'est que vous êtes là déjà? On est à Bordeaux. Moi je suis à la maison, c'est mon jour de congé et eux ils sont à la radio. Mais oui, on est. Oui, mais arrêtez de déconner, mon Dieu. Vous êtes d'où là? On est très doux, Lucienne. On est très doux. Non, arrêtez de rigoler parce que moi j'entends pas bien. On est en direct sur Fun Radio, Lucienne. Oui. Écoute. Oui. Comment? Fredo. Vas-y, Lucienne, on t'écoute. Je crois que c'est Fredo. Écoute, tu seras à côté de moi, t'attrapes ça sur le cul. C'est vrai. Et vous, je vous demande où est-ce que vous êtes déjà. Mais on est à la radio, Lucienne. On est sur Fun Radio. Oh non, mais vous savez, Lucienne. Vous êtes une bande de cons, hein, tous les trois. Hein. Oh là là. Bon, l'essentiel, c'est que vous êtes bien vivant. Bah voilà, on est bien vivant. Mais d'où c'est que vous êtes aussi? Mais Lucienne, on est en direct sur Fun Radio. Mais écoute, toi, tu es bien assis, hein. Lucienne, on est au bar. Il faut que je passe. Au bar? Mais vous allez arrêter de boire, non? Ben, voilà. Lucienne, on déconne, on buvait un petit godet. Bon, quoi, on peut boire un petit coup? Et je vais vous dire une chose, Jean-Pierre est parti à pied, il n'a pas pu partir à vélo tellement que j'ai gelé. J'en ai à foutre. Mais quoi, tu n'as rien à foutre? Attends, je vais lui dire. Oh, mais on s'en fout, de toute façon, il était bourré, ça. De toute façon, il est au café avec nous. Lucienne, ça serait bien que vous veniez les chercher, ils sont au PMU. Il est au café avec nous, Jean-Pierre. Il y a une fille avec vous, Richie. C'est une copine, on est en train de faire tourner. C'est la serveuse, viens, petit cul. Donc, Jean-Pierre. Oui, mais écoutez, arrêtez de boire. Venez les chercher, s'il vous plaît. Jean-Pierre, il est avec nous. Arrête, Jean-Pierre. Allez, tiens, Lucienne. Lucienne, hein? Tu nous sors la goutte, on arrive. Oui, attends une minute, allez, direction de Montpellier, là, puis arrêtez de boire, hein. Lucienne, sors-nous à ton côté, on arrive, d'accord? D'où que c'est que t'es arrivé? On est au café, Lucienne. Oui, mais quelle... Au café habituel, Lucienne. Bon, bah soyez sérieux, quoi. Bon, Lucienne, pourquoi? On n'a plus le droit de rigoler. Bah si, mais d'où que c'est que vous êtes arrivé déjà? Oh, mais on est arrivé. Lucienne, est-ce que tu nous sors un truc à boire, on arrive, d'accord? Oh, attends, tu paierais rien pour attendre, hein, gamin? Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Ouais, arrêtez de rigoler, hein. Bon. Lucienne, je l'adore. Lucienne, on t'embrasse, d'accord? Ouais, mais où est-ce que vous êtes arrivé? Au bar! Et tu nous envoies un peu d'argent! Mais vous êtes au-dessus de l'île? Oui! Bon, allez! Alors, viens boire un coup à la maison, d'accord? Attends une minute, tu vas voir. Sors les bouteilles! Lucienne! Surtout, soyez prudents! Ah ouais! Avec ce qu'on a vu! Et vous me rappelez, hein! Ça dégèle la route, d'accord, Lucienne? Je t'embrasse, on te rappellera, promis! Ouais, allez, bisous à vous trois! Au revoir, Lucienne!